Marie, Marie, je t'aime, c'est pour la vie. Et quand on s'aime, et quand on s'aime, y a pas de problème, y a pas de problème. Mais ton doigt dans mon trou de balle, ça sent la rose. Ça sent la rose. Allons-y, allons-y tout simplement. Tout simplement. Et quand on s'aime, et quand on s'aime, y a pas de problème. Qui ça sent la rose. Ça sent la rose. Allons-y, allons-y tout simplement. Oh ho. Merci. Merci. À tout à l'heure. Non, ça, c'est une bonne de cas, à quatre quatre pas et un oignon. Et on fait réveillon, et on fait réveillon. Ça, c'est une bonne de cas, à quatre quatre pas et un oignon. Et on fait réveillon. J'ai prise. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi, je suis pas de Dunkerque, je suis du coin, mais je vous assure que ça vaut le coup. Franchement, c'est, je pense que même le journaliste peut en témoigner. C'est une expérience de dingue. Il faut venir, c'est incroyable. Allez, je vous embrasse. Moi, moi, moi. Où l'amour est beau, on va s'aimer sur un étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier.